dans les mots, une évidence que j'ignore, mais la réponse qui vint du corps ne fut plus ambiguë, c'était trop beau. Un fleuve qui allait vers la mer, à la rencontre de la marée, et qui trouverait l'échec si amer. J'attends de nouveau. Phare songeur, cette lumière trop pâle, indigne de donner un corps au rêveur. Il n'y a plus de fil, car rien n'aurait dû oublier, et que Thésée devait. Les gestes ont su mentir aussi, il leur fut interdit de trahir le naufrage.